Bon, on les regrette pas forcément, les jingles, ils ont un peu mal vieilli. Comme vous le savez, on est parti pour 30 heures d'émission en direct et évidemment, on va accorder chaque année à chaque heure. Et là, nous vivons ensemble l'année 1988, juste avant votre émission Tiziri, l'émission de Culture Berbère, pardon, voilà, je n'arrive plus à le dire. Quelques événements marquants 1988, eh bien, George Bush était élu président des États-Unis. Pas forcément une bonne année, hein, si on retient que ça. Création en France du RMI, revenu minimum d'insertion, ça c'était important. Puis aussi, voilà, une guerre entre les Hutus et les Tutsis qui a fait quand même 20 000 morts au Burundi. C'était impossible de ne pas vous en parler. Il faut avoir un devoir de mémoire par rapport à ça et éviter justement de reproduire ces malheureux événements. L'année 1988, c'était aussi Info Bahut, une émission sur Fadjet qui cartonnait pas mal. Vous allez peut-être reconnaître la voix de la présentatrice si vous êtes fidèle de Fadjet. On vous fait écouter ça. Vu comme ça, on dirait un peu la soupe aux choux, mais non, il s'agit bien d'Info Bahut pour ceux qui nous rejoignent sur Fadjet 94.2. Une émission qui est arrivée à l'antenne dans les années 1987-88 à peu près, présentée par une certaine Fabienne Marchal. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Fadjet. Il est 13h ou 19h suivant que vous nous écoutez en direct ou en différé. On se retrouve bien sûr comme chaque mardi pour une nouvelle émission d'Info Bahut. Cette émission qui donne la parole bien sûr à des jeunes de différents lycées de la zone de Nancy, voire même d'un petit peu plus loin. Aujourd'hui bien sûr nous sommes en direct d'un lycée et c'est le lycée Emmanuel Herré à Laxou. Alors avant de retrouver Luc, que je retrouverai bien sûr au cours de cette émission, eh bien c'est un premier jeune de ce lycée que je retrouve, c'est Gilani. Bonjour Gilani. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Bon, évidemment, on ne vous met pas l'émission en entière, on est content, Gilani allait bien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de vous faire partager ce témoignage de Philippe Schulz, qui est l'un des fondateurs de Radio Fadjet. On vous fait écouter ça tout de suite. Bonjour Philippe Schulz, vous avez été l'un des pionniers de Fadjet et quand je dis pionnier, vous avez été l'un des fondateurs, en fait, on peut dire ça comme ça. Est-ce que voilà, j'ai raison, vous appelez fondateur après vous Oui et non, oui, parce que j'étais au tout début de l'aventure et puis non, parce qu'on n'est jamais fondateur tout seul, on est avec plein d'autres. Alors on va retrouver à l'antenne, je crois, des gens comme Guy Lescane, comme Gilles Blondet, comme Thierry Vincent, comme Pascal Spivinski. On était tous des pionniers. Votre rôle particulièrement à vous, c'était quoi alors? C'est compliqué, j'étais animateur de l'aumônerie au départ. Et mon rôle, c'était de favoriser l'expression des jeunes de cette aumônerie-là. Et Fadjet était un moyen d'expression de ces jeunes-là. Mon rôle, c'était de permettre à des jeunes de faire des choses qui leur donnent le sentiment de se dépasser eux-mêmes. Fadjet était ça. C'est toujours ça en fait, a priori. Le but, c'est toujours de pouvoir donner confiance aux gens quand ils viennent faire une chronique. Souvent, ils arrivent, ils sont stressés. Puis ils repartent, ils sont fiers d'eux, donc je pense qu'on a toujours gardé le même esprit. Et c'est formidable. J'en suis content. En quoi est-ce que ça vous a apporté, vous, particulièrement, pour votre carrière, soit professionnelle ou soit personnellement? C'est compliqué là encore de répondre à cette question-là parce que quand on vit une aventure, ça apporte toujours des choses. C'est parfois compliqué de nommer, mais c'est une grande aventure. Ça fait grandir quand on participe à une aventure comme celle-ci. Alors je sais que tout à l'heure vous allez me demander si j'imaginais un jour que Fadjet aurait 30 ans. Non, bien sûr que non. Alors quand j'arrive ici, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs ce soir, quand j'arrive ici, je me dis mais ouais, ça a été une aventure et c'est très... Allez, ça m'apporte de la fierté parce que je suis fier que d'autres aient continué cette aventure-là. C'est sûr que ça va continuer, puis on a été fiers, nous, de prendre le relais. Alors, il y a eu beaucoup de monde, hein, on l'a vu au cours de ces 30 heures, et on va le voir au cours de ces 30 heures. Il y a beaucoup de monde qui est venu à Fadjet pour poser un petit peu une pierre pour l'édifice. Est-ce que vous avez une petite idée du nombre de personnes qui ont poussé la porte de Fadjet depuis que vous avez créé cette radio? Aucune idée. À l'époque où est-ce que j'ai été aussi président quelque temps de cette maison, à l'époque où j'étais président, on avait tenté de faire des comptages du nombre de personnes qui venaient. La maison se voulait aussi un lieu d'accueil, pas qu'un lieu de radio, un lieu d'accueil. On avait tenté de faire le comptage des personnes différentes qui venaient dans la semaine et on était arrivé une fois, de mémoire, à quelque chose de l'ordre de près de 200 personnes différentes qui passaient par semaine. Mais ça, c'était sur une semaine. C'était il y a plus de 10 ans. Alors non, j'ai pas la moindre idée. Bon, on est à peu près toujours sur le même ordre de grandeur. Alors que ce soit des invités qui viennent pour parler de leurs actualités, que ce soit des musiciens, que ce soit des bénévoles, que ce soit des gens qui viennent juste regarder, eh bien, on est à peu près à 150 par semaine. Et si on part du principe que ça a toujours été 150 par semaine, on atterrit à plus de 5000 personnes depuis la création de Fadjet qui ont poussé la porte. Voilà. 5000 personnes pour participer à cette aventure. Eh ben c'est formidable, c'est énorme. Eh bien, moi, ce que je voudrais vous demander, c'est si vous avez une anecdote, quelque chose de marrant par rapport à l'époque où vous étiez actif à Fadjet. Alors, j'en ai plusieurs. Il y en a une qui me revient toujours en tête, mais j'y ai pas participé. C'était en septembre 1984, octobre 1984. La radio n'existait pas encore officiellement. On avait fait une émission test. Alors, j'y ai pas participé parce que moi, j'étais au service militaire à ce moment-là. Et à l'époque, tout se jouait au 63 rue des Ponts, à quelques rues d'ici. Et la toute première émission de Fadjet, avec un émetteur qui nous avait été prêté par Fréquence Métal, une radio de Pompée. Et la toute première émission, on avait été fiers quand on avait relu ça, parce qu'on avait été capté jusqu'au Saint-Seb. On était rue des Ponts et on avait été capté jusqu'au Saint-Sébastien et on avait été content de ça. C'est fabuleux, moi je suis assez content que maintenant on soit capté jusqu'à 60 km autour de Nancy. Mais c'est vrai que quand on débute une activité comme ça, c'est déjà une belle fierté, je comprends tout à fait. Si Fadjet était un mot pour terminer cette interview, ce serait quoi? Ce serait partage, ce serait engagement, ce serait continuité, ce serait quelque chose de cet ordre-là. D'accord, ce serait dans tous les cas positif. Ah, complètement. Merci beaucoup Philippe Schulz d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et surtout merci beaucoup d'avoir contribué à lancer ce grand projet qui est Fadjet. Merci de m'avoir invité. C'est plus que radio, Fadjet. Voilà, c'était l'interview de Philippe Schulz, l'un des fondateurs de Radio Fadjet. Maintenant, je passe la parole à Mac puisque c'est l'émission Tiziri qui débute. Merci Florent, on te retrouve tout à l'heure à 13h pour nous faire partager cette grande histoire de Fadjet. Azul Flawen, Mrahvaïswen, bonjour à tous, bienvenue à tous pour ce rendez-vous exceptionnel de Tiziri, votre émission culturelle, votre émission franco-kabyle, la seule émission du genre en Lorraine, et même, j'ose dire, en Lorraine, Champagne, Ardennes, Alsace. Bon, ça, on va quand même vérifier l'information. Tiziri, en tout cas, ça reste cet ovni qui traverse l'espace, qui traverse le temps. Une émission qui allie info, humour, engagement citoyen. Tiziri, c'est ce petit croissant de lune qui continue de veiller sur nous, même quand les consciences ne sont pas suffisamment éveillées. Oui, Tiziri, c'est parfois aussi cette pleine lune généreuse qui illumine le ciel bien après le lever du jour. Tiziri, vous l'aurez compris, ça veut dire clair de lune en kabyle. C'est un cap, c'est un guide au milieu du firmament. Tiziri, c'est aussi le rêve d'un ailleurs, un messager entre les deux rives de la Méditerranée. C'est devenu un pont entre les cultures, un pont entre les peuples, entre la Lorraine et la Kabylie. Depuis 1992, je pense qu'on peut dire que Tiziri est une des émissions doyennes de Fadjet. Donc depuis 1992, Tiziri est à l'antenne tous les samedis, de midi à 13h. Des dizaines de personnes se sont relayées ici, derrière le micro de Fadjet, des dizaines de bénévoles de l'ACB qui ont eu à cœur de relever le flambeau à chaque fois pour que continue cette belle aventure. 23 ans d'émission non-stop, qu'ils soient tous ici remerciés et que soient remerciées les équipes de la radio, présidents, administrateurs, bénévoles, salariés de Fadjet pour leur accueil et pour leur écoute. Depuis 1992, de nombreuses personnes sont passées par ces murs et jamais ne s'est démenti l'attachement, l'amitié, la fraternité de tous, de toutes les équipes de la radio. En mon nom, modestement, et surtout au nom de tous ceux et toutes celles qui, en 23 ans, ont collaboré à Tiziri, un grand, grand merci à Fadjet et à tous ceux qui ont fait cette radio. Mais comme on ne construit pas un hôpital pour les médecins, comme on ne fabrique pas des voitures pour les ingénieurs de Volkswagen, comme on ne crée pas l'Algérie pour les dictateurs et les islamistes. On ne fait pas de radio pour nous, on le fait pour vous, vous qui êtes derrière votre poste, dans la voiture, au bureau, à la maison. Tiziri, on le sait, est très suivi par ses fidèles auditeurs, kabyles, berbères ou non. Les infos et les débats continuent souvent dans les maisons, à la CB et même ailleurs, après le générique de fin de l'émission. Un grand, grand merci à vous qui avez été et qui êtes toujours fidèles à l'émission, toujours fidèles à la radio. 30 ans de radio pour Fadjet, ça se fête. Nous sommes et nous serons toujours de ces fêtes des échanges, ces fêtes de la culture et de la fraternité. Bienvenue à Tiziri, jusque 13h. Tiziri qui a endossé ses plus beaux habits de fête et c'est parti pour une heure d'émission. France des couleurs, tout le monde fait yeah yeah. What up, what's going down? Dribble and champion, Big Ali, New York City in the building. We spread love. All the colors of France. We need you to unite. Stop the fight. Let's go! France des couleurs, Idir, le grand Idir. On ne pouvait pas commencer cette émission exceptionnelle sans cette signature Idir pour son dernier album, La France des couleurs. Donc vous êtes bien sur Fadjet, Tiziri, on est ensemble jusque 13h et autour de la table, la fine équipe de l'ACB, la fine équipe de Tiziri pour venir partager avec vous ces quelques instants. Zulf Laoun, Zulf Lekha Farid. Bonjour Azoul. De quoi tu vas nous parler durant cette émission ? Bon, je vais parler un petit peu de l'actualité de la CB. D'accord. Et de ce qu'on va faire pour l'année prochaine. Merci Farid. Rachid. Zulf Laoun. Moi, je vais parler des médias globalement, généralement, mais spécialement de ce qu'apportent les médias pour et la démocratie, la lutte pour des causes justes. Et peut-être un ou deux exemples de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi ici, en France. Voilà, les médias qui sont ce symbole de la liberté, de l'expression, de la liberté d'expression. Yolande, Azulf Laouen, moi je vais parler de l'ACB et de nos actions. Très bien. Quant à moi, en fin d'émission, j'aborderai avec vous le sujet un peu compliqué, un peu difficile de ces événements d'actualité de ces derniers jours. Et puis, on essaiera de se lancer un petit débat républicain sur les valeurs qu'on partage et que l'on porte tous. Une émission de radio, c'est évidemment toutes ces personnes, toutes ces voix que vous entendez derrière les micros, mais c'est aussi les techniciens, Azulf, Linda. Azul Mac, Azul tout le monde. Ces techniciens qui font que ces émissions soient possibles et qu'on puisse parler, s'exprimer. Et qui font aussi le programme musical. Qu'est-ce que tu nous as prévu pour cette émission en musique ? Les musiques traditionnelles, on va dire, Yait Mengelet, Yaidir, qu'on vient de passer, Yassimoh, Matoub, bien sûr. Un incontournable. Voilà. Merci Linda, merci à tous de votre présence. On est encore ensemble pour 45 minutes de musique, de discussion, de dialogue. Et comme on le disait à l'instant, Yait Mengelet au programme. الحل تمديت نتسلسل نوبا مقضى نتسلسل نوبا مقضى فيك شملة فتح ريميس صار كنت جدي فعرقني برد النشرة عرقني برد النشرة أكيت نوفاد الحديث قبلي تنغجيت وأقيد الوقت أخدا وأقيد الوقت أخدا دوني السورة ترود لا يوبك وهذفن دلوقت تبدأ الشيراس الوقت تبدأ الشيراس يكس الشرق رميد الغرب سامرتك صخراب شطرني يرلعب الفلاس شطرني يرلعب الفلاس أتنار يلمحارب أقلغ للدبدب لما يحدوا عساس لما يحدوا عساس الدنيا في مدن صفوصل ذي الفهم يتنصل ونييف نبدل نتكليم ونييف نبدل نتكليم سكرب ولا نظناصل يوغت ذي المفصل عريان سالة بورثليم عريان سالة بورثليم القرن كيت ذي يرصل دق ونزقو من حصل مين يرى قدم نغليم مين يرى قدم نغليم بعذير الناس وقادر نسين الخير وقادر نسين الخير الفاظ سعيشة يمس وثبان الحرفاس ذي يسفل الذي يتمسخير ذي يسفل الذي يتمسخير ميت دوالي ونواس اثبت للحلاس سيني غيقت حكير سيني غيقت حكير ينطق غير وين ورنحذيق لك غريف في حال لك غريف في حال هذه الضر يتخرق بس يلسيت فقفيق لقفوس نسيد سي وحال لقفوس نسيد سي وحال ويبغانا ذي جرب رفيق ذي تسوع سنطيق ذي الناوي قتبن الفحال ذي الناوي قتبن الفحال نسى سكي غيس في وضاد يا ربي لمن داد قول غيك سيدي خليفة قول غيك سيدي خليفة القوم يعشقنا حشاد تمري مسناد دوين قصدني المكلا دوين قصدني المكلا سك ربي مقرنا الداز يوغل ذا حداز من والي علق الساعة من والي علق الساعة Mengeleth, Lounis Ait Mengeleth, le grand chanteur de la musique kabyle, connu et reconnu à travers le monde avec cet ancien album découvert dans les bibliothèques et dans les CD-thèques par Linda et qu'elle nous fait redécouvrir aujourd'hui pour cette émission exceptionnelle. Donc on est allé aussi dans le passé, on est allé aussi vous dénicher quelques vieilles chansons, quelques vieux albums. Je n'oserais pas faire la transition avec un ancien aussi un ancien, alors j'essaie de me rattraper par en tout cas son engagement, un ancien par ses connaissances et par son expérience, Rachid, qui va nous faire une analyse et nous proposer quelques éléments autour de l'actualité de la liberté d'expression. D'accord, un connaisseur, quoi. C'est ça. Un connaisseur. Ça. Alors, en 81, dans Le Monde, l'un des journalistes disait ceci. « Allons, messieurs du gouvernement, rassurez-vous, vous n'avez rien à craindre de tous ces jeunes qui frappent à la porte du média. Laissez venir, c'est comme une parole de Jésus qui s'adresse à ses disciples. Laissez venir, c'est écrit comme ça, hein, je ne fais pas de propagande. Laissez venir à nous les enfants, les nouveaux talents, comme le disait Jésus, laissez venir à nous les enfants. Laissez passer des petits canards. » Pour vous dire que en 80, c'était le média n'était pas libre, complètement libre. Hein, 80, c'était hier. Et donc le média était quelque chose de très surveillé par les différents pouvoirs, à différentes époques. C'est comme l'imprimerie au 15e, 16e siècle. Hein, le livre, c'était le savoir et le pouvoir. Et le média au 20e siècle, 21e siècle, c'est également du savoir et du pouvoir. Du savoir parce que c'est par le média que passe l'information, la connaissance, hein, une partie de la connaissance du moins. Puis le pouvoir parce qu'on peut tout à fait avoir un média-pouvoir, avoir un média-propagande, influence, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc l'histoire des médias, c'est une histoire liée à la destinée de l'homme, hein, à la destinée enfin, à son passé, son présent, son futur. Donc ça a façonné en quelque sorte l'humanité. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, puisqu'aujourd'hui, il y a foisonnement des formes et des formats des médias. Donc en 80, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle aujourd'hui les radios libres. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que dans les années 80, quelques années après, avant même la création de Fadjet, il n'y avait pas ces radios, il n'y avait pas autant de médias. Il y avait les médias officiels, les radios périphériques qui émettaient depuis l'extérieur, RTL, Radio Luxembourg, comme on le disait à l'époque, et Europe 1. Et il n'y avait que quelques médias officiels en France. Et c'est vrai que c'est dans les années 80, sous François Mitterrand, que les radios se sont ouvertes et que des radios libres officielles se sont créées, même s'il existait quelques radios pirates. De nombreuses personnes créaient des radios dans leur studio, dans leur chambre, avec un émetteur, un petit peu d'électronique, et faisaient ces émissions pour faire diffuser des musiques, des infos peut-être déjà à l'époque qu'on ne pouvait pas entendre sur les médias officiels. Effectivement, il y avait des radios pirates. Hein. On se rappelle d'une radio pirate qui a été créée par quelqu'un qui est connu, qui était très connu, qui s'appelle Brice Lalonde, hein, qui était ministre de Mitterrand, ministre vert de Mitterrand, et qui ça s'appelait la radio verte, et qui émettait à partir de l'appartement de l'un des philosophes. Et puis ça a été animé par Brice Lalonde et ce philosophe. Mais parallèlement à ça, il y avait quelques radios, y compris sur des bateaux autour de l'Angleterre. donc l'île, vraiment, il y avait un bateau qui circulait avec une radio à bord, mais c'était une radio pirate. Ce n'est que dans les années 80, donc quelques radios, mais c'est, les radios pirates, c'est des radios qui duraient une période qui est très, très... de périodes qui sont très très petites, une semaine, un mois, deux mois et quelquefois même deux jours, trois jours. C'est des outils, ces radios, ce sont des outils de liberté, évidemment, d'échange. On le voit bien dans un pays, dans les pays d'Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc, que ces radios ne sont pas libres, elles ne se créent pas comme on peut les créer aujourd'hui en France, comme elles se sont créées. Et ce sont aussi des outils de propagande. Tu le disais, ces bateaux arrimés par les autorités américaines au large des grandes dictatures près des frontières des pays de l'Est, donc au moment de la guerre froide. Et c'est comme ça que Radio Free Europe a été créée et que les Américains diffusaient au large. Et c'est un petit peu notre Radio Free Kabylie aujourd'hui, Fadjet et Tiziri, puisque de nombreuses personnes peuvent nous écouter en Kabylie, entendre un petit peu ces infos. Alors c'est pas que nous, c'est pas que cette émission-là, mais aujourd'hui c'est un petit peu ces médias qui permettent l'ouverture et qui permettent en Kabylie, au fin fond des montagnes, de lire de l'actualité, de lire de la presse non censurée, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, même ces grands médias indépendants que l'on connaît sont censurés. C'est vraiment ça la liberté aujourd'hui, c'est la liberté pour tous, évidemment, certains ahuris pour dire des bêtises, mais c'est aussi la liberté de pouvoir dialoguer et échanger, avoir des vraies informations. C'est vrai que les radios, notamment, étaient utilisées que par les États, les institutions. Donc c'était en quelque sorte quand même un média qui était presque exclusivement, même si bien évidemment il n'y a pas mal de choses de liberté culturelle, liberté d'expression, mais c'était quand même des outils presque exclusivement façonné pour répondre à la volonté des pouvoirs en place. Aujourd'hui, enfin, la donne a complètement changé. Tu cites, Mac, le cas de Fadjet, de Tiziri, mais on peut parler d'Internet, d'autres médias qui sont aujourd'hui des outils presque pour transpercer les murs que les pouvoirs avaient construits entre leur espace et l'espace de liberté. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est complètement on a inversé les choses, c'est plutôt la liberté qui profite de ces médias. Merci Rachid pour ces quelques éclaircissements sur les médias et la vie de la radio. J'en profite de vous avoir sous la main pour vous poser à tous une petite question. On va commencer avec toi Rachid. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as écouté Tiziri ? J'ai pas un souvenir très précis, mais je peux dire globalement ce qui avait comme rubrique. Hein. Je pense que j'ai écouté pour la première fois Tiziri dans les années 96, quand je suis arrivé en Lorraine, et c'était déjà une surprise pour moi, puisque c'était une émission bien construite autour d'une équipe, portée par une équipe autour d'un fil rouge, des chroniques, et des chroniques très diverses, politiques, culturelles, d'information. Donc c'était déjà pour moi un très bon souvenir. Je ne pourrais pas le dire avec précision quel mois, quelle année. On n'en demande pas tant, mais merci pour ce rappel, Yolande. Oui, moi, c'est quand je suis rentrée à l'ACB, donc il y a à peu près 3 ans. D'accord, oui. Et c'est par l'ACB que tu t'es branchée sur la radio ou tu avais déjà entendu l'émission avant ? Non, je n'avais jamais entendu. C'est par l'ACB. D'accord, merci Yolande. Farida. Oh, ben moi, c'est tout simple. Hein. C'est ma maman qui écoutait Tiziri. Et effectivement, quand on déjeunait le samedi midi, on écoutait Tiziri. Et c'était une porte ouverte aussi pour rentrer à l'ACB. Elle m'a fait découvrir, puisque c'est une des premières militantes de l'ACB. Voilà, en quelque sorte, comment j'ai pu découvrir cette émission Radio Tiziri. On l'embrasse si elle nous écoute. Tu te souviens de l'année ? Quelle année ? Parce que moi, je vais vous raconter. Non, j'ai pas une mémoire précise d'accord, là-dessus. D'accord. Je me souviens pour ce qui me concerne d'avoir écouté. Alors, je fais partie des dinosaures un petit peu hein, de Tiziri, puisque j'ai dû commencer à animer quelques années après la création de l'émission. Elle s'est créée en août. On a fait la rentrée elle s'est créée en août et on a fait la rentrée vraiment en septembre 1990. 2012 et j'ai rejoint l'équipe à peu près un an après, en 93, en faisant quelques petites apparitions. Et c'est vrai que je connaissais l'ACB pour ses activités, et j'étais tombé par hasard dans l'année 92 en zappant tout simplement un samedi après-midi dans ma chambre de CTU avec mon petit radio réveil qui me servait de radio également pour écouter de la musique, et en cherchant les chaînes, je suis tombé abasourdi devant une émission qui diffusait sur Nancy, sur la radio, de la musique kabyle. Voilà, j'avais pas fait le lien tout de suite avec cette émission, puisque j'ai écouté, au bout d'un moment ça s'est arrêté, j'ai essayé de réécouter, de retrouver cette émission, et j'avais pas compris que c'était juste une heure dans la semaine en plein milieu d'une autre programmation. C'est plus tard où j'ai fait le lien. Voilà pour ces petites histoires, pour cette mémoire de la radio, mémoire de Tiziri, mémoire de Fadjet, que vous pouvez continuer à suivre sur Fadjet encore pendant toute la journée et jusque demain pour les 30 heures d'émission pour fêter les 30 ans de Fadjet. الحفيقكم ماس نخضعو وتصورنا كوي مسدورك اتسنتسن بعوسو اسلي غيش راس يكرمو لابد نفسا يسلي غيشرا الصظلمان ذبي ذاسني كسن الثقا ثامر تسكيت شمنا تستفغان ما تشدوي روحنا دياسن إذا من نغس وانتن ويعدني جا الشماء أتسن أتسن جا وسو أتسن أتسن دع وسو شجعن سيدة الزعود والدار الحفية قوم ماس نخضو وغضنا كوي مسدورة اتسن اتسن دع وسوق يرجزن ويديتنا تنسن ذلف ثنا طابرتي إذا غدي سندهن قابو القروني ددان يا وذا شد يقيمان كستفراجي والننوان أتسوالي مويوني بوران ذات مثل نغذت الخلا اتسن اتسن دع وسو اتسن اتسن دع وسو شي عن سيدات زورت Daoussou, Martoub Lounès, qu'on ne pouvait pas, évidemment, ne pas inclure dans la programmation musicale de cette émission exceptionnelle, cette émission de Tiziri, dans le cadre des 30 ans de Fadjet, des 30 heures d'émission que vous pouvez suivre depuis ce matin jusque demain pour célébrer les 30 ans de création de cet formidable outil de communication qui est la radio Fadjet. Farid, président de l'ACB, c'est un outil qu'a utilisé l'ACB depuis le début justement pour communiquer. Tout à fait, tout à fait. C'est un média que l'ACB a utilisé, comme tu le rappelais tout à l'heure, depuis 92, pour transmettre de l'information à propos de ses activités, à propos de la culture, à propos de la politique, à propos de la cité, un petit peu tout ce que l'ACB faisait et relayait auprès de ses auditeurs. Je voulais compléter l'information que Rachid nous donnait tout à l'heure, notamment sur les médias qui ont servi tout au long des différentes civilisations. On parlait d'ouvrages, de livres qui ont été censurés, qui ont été interdits. On parlait de radio avec des radios pirates. Et le piratage, à l'époque, se faisait à petite échelle, où on rayonnait autour d'îles, comme tu le citais tout à l'heure, Mac. Aujourd'hui, on a un vent de liberté, enfin je dis aujourd'hui, il y a quand même quelques années, un vent de liberté qui souffle sur les médias, qui est Internet. Et Internet, on ne peut pas l'emprisonner, on ne peut pas le censurer. C'est quelque chose de très difficile, on le voit d'ailleurs tous les jours, comment les dictatures sont confrontées justement à ce modèle de média libre. Même si c'est un média à double tranchant, puisqu'on ne peut pas censurer évidemment tous les amis de la liberté, mais on ne peut pas censurer non plus les ennemis de la liberté. Tout à fait. Internet, le pire côtoie le meilleur, on le sait. Tu as raison de le préciser. Mais bon, force de l'Internet est sa liberté et sa force de partage. Sa force de partage, qui est un moteur de l'association. Exactement. Et d'ailleurs, les informations de l'association, Yolande, on peut les retrouver sur le site internet de l'ACB, oui. acb54.com. Oui, oui, c'est ça. Je vous regarde tous. On peut les retrouver également sur la page Facebook de l'ACB. Sur la page Facebook, effectivement, où on relaie l'information. Et sur Émission Tiziri aussi, il y a une page Facebook aussi pour l'émission. Voilà, la page Facebook de l'émission. Tiziri, vous vouliez dire, Rachid ? Juste pour compléter, parce qu'il y a quand même pas mal d'outils d'information de l'ACB, il y a une lettre qui s'appelle ACB Actu, qui est envoyée à toutes les personnes qui sont inscrites sur notre base de données. Donc il suffit juste d'appeler rédigé, et elle est envoyée à toutes les personnes qui sont inscrites chez nous. Voilà. Voilà, pour retrouver les informations de l'Association de Culture Berbère, ACB, on dit ACB depuis tout à l'heure, mais tout le monde ne connaît peut-être pas l'acronyme, l'Association de Culture Berbère, celle que préside Farid et celle à laquelle on appartient tous et qui est depuis le début partenaire de Radio Fadjet autour de cette émission Tiziri. Yolande, tu voulais dire quelques mots pour des auditeurs qui nous écoutent. Oui, on voulait saluer Louisa Saadi Berchiche. Oui, Louisa. Une ancienne aussi de l'émission. Une des fondatrices. Oui, qui est venue aussi de nombreuses années animer des émissions ici à Fadjet, oui. sur Tiziri. Oui. On voulait aussi saluer Madame Zabar, la maman de Linda Zabar, qui est souffrante en ce moment. On lui souhaite un bon rétablissement. Et on veut saluer aussi tous nos bénévoles, jeunes et moins jeunes. Merci à tous. 12h38 sur Fadjet. On continue en musique avec Simoa. Ça سمحاره امر في ثلاثي ضمرني ورصت الدراره كيي غرجاره السلكم سمحاره امر في ثلاثي ضمرني ورصت الدراره C'est moi sur Fadjet, Tiziri, Hemlar. Quelques gouttes d'amour dans cet océan de haine qu'on découvre encore tous les jours. Merci à Simoir pour ces belles paroles et cette belle musique. On continue avec l'actualité de l'association de culture berbère, l'actualité berbère et kabyle à Nancy dans l'agglomération avec Yolande. L'émission Tiziri est un des premiers grands ateliers de l'ACB 54. L'ACB est une association franco-kabyle fondée en 1992. C'est un espace de découverte socio-culturelle ouvert à toutes les personnes de tous horizons ayant les mêmes valeurs. Une association qui défend et promeut les fondements de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité entre les éléments qui composent la mosaïque du peuple de France et la laïcité dans le respect des croyances de chacun. Par ses diverses actions, elle s'engage à lutter contre les discriminations, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. Elle est toujours là pour la défense des droits et celle de l'identité berbère. En parallèle aux actions culturelles et citoyennes, l'association propose aussi des services qui répondent aux besoins sociaux, s'appuyant sur l'accueil, l'orientation et la médiation. En termes d'action collective, elle organise chaque année le cinéma d'automne. Cette année, ce sera le 9 et 10 décembre au centre André Malraux à Vendeuvre, avec la projection sur deux soirées de deux films amazigh. L'entrée est libre et gratuite. Pour la socialisation, j'ai moi-même ouvert un atelier pour apprendre les loisirs créatifs tels que le tricot et le crochet, entre autres, mais c'est avant tout un lieu de parole et de convivialité. Je vous accueille tous les samedis de 16 à 18 heures dans les locaux de l'association aux 2 rue des Fabriques à Nancy. Vous êtes tous les bienvenus. Des rendez-vous culturels et littéraires sont organisés ponctuellement en partenariat avec d'autres associations. Des cours de kabyle ont commencé depuis samedi dernier, animés par un professeur diplômé en amazigh, Kader. Ils ont lieu tous les 15 jours, de 14 à 16 heures, les samedis. Le prochain rendez-vous pour le cours sera le 28 novembre à 14 heures. Chaque année, en janvier, nous organisons la fête du Nouvel An berbère, Yenayer, la journée de la femme, la fête des enfants, un hommage spécial à Matou Blounès, le grand militant amazigh assassiné pour ses idées, la journée de la robe kabyle, sans oublier notre troupe de danse Hazar. Nous remercions par la même occasion nos partenaires et sponsors, le conseil départemental, le conseil régional, la communauté urbaine du Grand Nancy, la mairie de Nancy, la préfecture de Nancy, l'Accès, l'État français et nos amis de Radio Fagette. Si vous voulez en savoir plus sur nos activités ou venir nous rejoindre, vous téléphonez au 03 83 35 20 12 ou vous venez aux 2 rue des Fabriques à Nancy. Merci Yolande pour ces informations. Vous êtes bien sûr Tiziri. On est ensemble jusque 13h. Vous êtes bien arrivé à l'aéroport d'Orly. Nous espérons que vous avez fait un bon voyage sur nos lignes. Nous vous rappelons que votre visa a une durée limitée de 30 jours. Alors n'oubliez surtout, surtout, surtout pas de réserver votre billet retour. Eh ben oui, va falloir rentrer chez vous après. Au revoir mes amis, bonjour la France. عقليو وانفرمي في الفاخ في ريوليو ولا خفنت يكسنت عشقاخ يلا نسوى لنيو شفت اغبيو ناس هضراخ فنا يحجي لي أرغوار من صاري بوجور لا فروس غير بكفا المحنة في الليل شربي طريقة سوناري سيطوس ناني Bien plaire ici, chez toi madame la France. J'aime tes yeux bleus, ta peau blanche et tes lèvres quand j'y pense. Si on se mariage ma chérie, je connaîtrai jamais les vacances. Pour toi je barrerai Paris, de Barbès à la Défense. تايض ني غص هضره فنا تحوس تايض واي غرثو وايد غضر واقد المنكر ثقلي غنسيد كي غصد مردي دوسين ces années, j'ai appris la Marseillaise, le jour de gloire est arrivé, aujourd'hui j'ai ma récompense, tu viens de me donner les papiers, j'ai bien mérité des vacances, aller-retour pour l'Alger. Bonjour ma résidence, ça fait plaisir, voilà. Ça y est, j'ai les papiers. Ça y est. Tu m'aimes pas, moi je t'aime. Et je reviens avec la famille. L'immigré, chanson de Sorif sur Tiziri, Tiziri que vous pouvez suivre en direct sur fadjet.net, sur le site internet, évidemment sur la bande FM 94.2 FM, mais aussi sur internet, où il y a une webcam si vous voulez voir les têtes des animateurs des différentes émissions, j'allais dire le sourire ravageur de Rachid, les beaux yeux bleus de Yolande et Farid. par ailleurs, et son la rugosité l'éclat de d'intelligence qui illumine son visage. Vous n'hésitez pas sur le site internet. Nkara, c'est Farid Poutine, le Russe. C'est ça, c'est la rigueur. Je vous en prie, lâchez-vous. J'en profite pour montrer à la webcam la jaquette de l'album de Sorif qu'on vous fait partager et qu'on vous invite à découvrir, puisque voilà, ça fait partie des nouveaux artistes émergents et qui sont fort sympathiques. 12h50 sur Tiziri, on ne pouvait pas s'empêcher de revenir sur les derniers événements qui ont ensanglanté la France et qui ont fait que l'ACB d'ailleurs a fait un communiqué en ce sens il y a quelques jours qui disait en substance Farid, évidemment que l'association condamnait ces atrocités, ces attentats, ces meurtres. Et on... Tiziri, ça a toujours été depuis 1992 aussi un lieu de débat, et donc on dit les choses, on pose les choses à Tiziri, et aujourd'hui moi j'ai envie de dire que c'est maintenant pas à nos associations, pas à notre association, parce qu'on en a fait la preuve depuis le début, mais aux organisations musulmanes aujourd'hui de faire la démonstration qu'elles savent s'intégrer en se positionnant de manière claire et ferme pour la laïcité, ça serait quand même une nouvelle, contre les voiles et contre les inégalités hommes-femmes. Ça, c'est un cri du cœur. Il faut s'occuper aussi de ceux qui souhaitent s'intégrer. Yolande le disait tout à l'heure, ce sont les actions de l'ACB. Il faut que les autorités, il faut que tous regardent ceux qui veulent s'intégrer. Il faut s'occuper de ceux qui veulent vivre ensemble et non pas se justifier et s'excuser de ce que nous ne sommes pas et de ce que la France fait. Il faut s'occuper des jeunes, leur donner accès aux cultures, leur donner accès aux différences, leur donner accès à la musique, leur donner accès à la littérature. Et c'est ce que fait notre association. Et à l'espoir. Depuis longtemps. Il faut créer des citoyens républicains. C'est comment on crée des citoyens républicains ? Pas en ouvrant des mosquées, c'est pas en ouvrant des lieux de culte, c'est en ouvrant des bibliothèques. On ne peut que se féliciter quand on se promène et qu'on voit des lieux de culture un petit peu partout dans les quartiers et en ville. Un petit peu moins quand on voit des mosquées, des lieux de culte. Nous, on se félicite quand on voit des salles de spectacle, on se félicite quand on voit des musées, félicite quand on voit des gens partager de la culture et non pas ce qu'on peut entendre par ailleurs, laisser des femmes sur un sous-statut en leur disant qu'elles doivent aller et venir voiler. Aujourd'hui, dans les quartiers, ceux qui y habitent, les filles de toute origine ont peur. Oui, elles ont peur. Elles n'ont pas peur du racisme. Elles n'ont pas peur des gens. Elles n'ont pas peur des autres. Mais elles ont peur de cet intégrisme qui est venu gangréner la société. Elles ont peur de ces barbus. Elles ont peur de leur code. Elles ont peur de leur manière de penser. Il faut... armer, nous aujourd'hui on appelle à armer idéologiquement les jeunes, oui, armer idéologiquement les gens pour qu'ils ne versent pas dans l'islamisme, pour qu'ils accèdent à la culture, pour que c'est cette culture qui est un outil d'émancipation, parce que, et j'en terminerai là-dessus, au bout du compte, la culture ne coûte pas cher. Tous ces outils d'accès à tout le monde ne coûtent pas cher. Certes, c'est une défense, mais c'est surtout une recette nette et à l'efficacité incroyable. خسد قلعني زورا مازال اكلني ذيك زايد نتمغاي خاس لقمنا لا غني ثمن ورت والقى من خاس نغاني مثان يحيى وينوران عكال وريت والقى متي زايد يتمغاي نيت وسقى نسي ثمنني مزيغا عيني تروني تاع سيرم مازال مازال مازال مازال لا لا غذي مازيغا دي مازيغا مازال مازال غلت نتالي غكنا دنواي زيل اللي انغلا يثازالي تسوت ودرت حقا وذي يفكنت ودرت يوكنا نيلي عنكم نبري ذي نشر النور ديك ورويني عداني طيجي ما زيغنا ذي فلالي ورنو منا ذي تنسمك ذيك مازال مازال لا لا غذي ما زيغن ذي ما زيغن مازال مازال لا لا لا ذي ما زيغن الله الله وذي خذاني ثمن Tak Farines, une autre grande signature de la musique kabyle. Merci d'être avec nous, de rester avec nous et de rester sur Fadjad pour fêter ses 30 ans, cet anniversaire, ce bel anniversaire de la fraternité et de l'échange. Yolande, ça continue sur Fadjad, sur les ondes, mais ça continue aussi ici. Oui, n'oubliez pas le rendez-vous de demain après-midi dans les locaux de Fadjad à partir de 15h. Pour une petite fête pour les 30 ans d'écoute solidaire, nous serons présents l'équipe de Tiziri et de l'ACB pour vous offrir du thé à la menthe et des pâtisseries. Venez nous voir. Magnifique, merci Yolande pour cette invitation. Donc ici dans les locaux de Fadjad au 47 rue Charles III. À Nancy, une autre manifestation, le grand goûter solidaire a été annulé en raison des événements. Voilà, c'était une belle fête qui va continuer, qui ne sera pas gâchée par tout ça. Vous vouliez les uns les autres réagir aussi à ce qui s'est passé. Moi, juste pour dire que c'est vrai qu'il faut qu'on continue à vivre. La théologie, la religion, ce n'est pas notre affaire. Il faut que ce soit l'affaire de ceux qui portent cette religion. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils règlent leur truc entre eux. Ensuite, nous, on rappelle juste que nous sommes en République et nous avons le devoir de rappeler des valeurs qui... les seuls qui font le ciment de la République, les valeurs qui sont les valeurs de liberté, de fraternité, de solidarité, voilà, d'égalité, de laïcité, entre les voilà, sexes, d'égalité. De laïcité. Voilà. Après, le reste, c'est à eux de le régler dans l'islam. Farid. Oui, moi, je voulais juste compléter un petit peu le message que tu portais là tout à l'heure. Effectivement, l'ACB, c'est plutôt un phare, une lumière pour éclairer nos adhérents et porter un message d'amour et de paix au sein de la cité. Et je voulais juste appuyer un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est au niveau de la victimisation. Je pense qu'il faut abandonner ce message de victimisation qui profite à la désintégration et plutôt véhiculer, comme tu le disais tout à l'heure, un message d'espoir. D'espoir parce que on est dans une république laïque, une république de liberté, de fraternité, d'égalité. Voilà. Merci pour ces quelques mots. N'oubliez pas, Tiziri, c'est sur Fadjad tous les samedis, de midi à 13h. Un joli vaccin contre toutes ces attaques et toutes ces bactéries qui courent en ce moment contre l'inculture, contre l'irrespect, contre l'intolérance. Voilà, un vaccin que vous pouvez retrouver toutes les semaines sur cette antenne. Merci à tous d'être venus pour cette émission spéciale. Ça continue sur Fadjad, on vous l'a dit, encore pendant quelques heures. On se quitte sur de la musique, évidemment, comme toujours, sur Fadjad.